l'avenir. Le futur sans soutien. Quel égard. Sans abri. Le futur, c'est la mort. Accoucher. transforme dans les rues, à contraver le serein, toujours poigné pour vendre ton cul. Le tâton que c'est pareil, l'on s'en dit des merveilles, toujours poigné pour vendre ton cul. Et le pipard de poubelle qui a un tapolon, toujours poigné pour vendre ton cul. Le gars de métier de bandit pour renouveler l'arbre, toujours poigné pour vendre ton cul. Avec tout ce qui se porte dans le monde, j'ai perdu foi en l'être humain. Mais Mais c'est d'un courage homme, parce que c'est l'unaire et rempli de pierre. Assoir, on va se saouler. On fait le corner. Pour tout oublier. Tout oublier, tout oublier, tout oublier, tout oublier. Tu m'en fais qu'il s'est volé. Flash! Attention, ceci est un message d'alerte à la population. Vos programmes sont momentanément interrompus. Ce n'est pas un exercice. Ceci est une alerte du ministère de l'Intérieur. Une catastrophe d'origine nucléaire est en cours. décharge nucléaire. Des millions de cadavres qui tombent. On met des bombes. Des civilisations tombées. Des réserves empoisonnées. On répète des nuisances. Que la tire sur la mort et l'ordre. Des millions de cadavres qui tombent. On met des bombes. L'indissement détruit. Plus haut que signe de vie. Les vies sont assommées. Je les déchire radioactives. Des millions de cadavres qui tombent. On veut des bombes. Go!